J'ai beau penser à autre chose, mais la gamberge me ronge. Je voudrais appuyer sur pause, absorber comme une éponge. Et je songe trop souvent à mon avenir. Je te le dis, à mon avis, y a trop de rats sur le navire. Ouais, je suis navré, mais on devrait apprendre à lire entre les lignes pour pas semer le doute à m'endalir. Je les vois manœuvrer, tous guidés par l'envie de manœuvrer. La poisse m'a levé, prêche pas le faux, ici t'as le vrai. Regarde un peu plus près, je n'ai fait que serrer les dents face au problème peu élégant. J'ai vu ma rage se décupler, découpé en couplet, dégoûté, j'ai douté, même dérouté, je continue de lutter. J'ai pas l'esprit à calculer, mais sur soi-même il faut compter. Je ne suivrai pas le troupeau, tant mieux pour moi si je suis de côté. Usual suspect, je vais les baiser comme les clopés. Et si je ne verse plus de larmes, c'est que mes yeux ont tout écopé. Keyaman. Ouais, je leur laisse la lumière, car mon rap est lunaire. À bout de nerfs, je gratte la feuille et les tracas, j'énumère. Et vu l'air que l'on vit, on n'est pas prêt de s'en sortir. On sait qu'on se fout de la chute, l'important c'est d'amortir. Comment expliquer à nos mômes remplis de naïveté qu'ici les repas chauds ne sont pas ceux de Maïté, qui devront ingurgiter tout un tas d'annuités avant de se rendre compte qu'ils peignent dans la nullité. J'ai que mon cœur pour vous parler, apaisé sous Bob Marley. Je veux pas être une idole, visage refait sur une Harley, 30 balais. Je sens monter la nostalgie, mais elle se dissipe à l'instant même où la note agit. Parfois je sais pas ou je sais plus, peut-être que je n'ai jamais su. Mais chacun choisit sa route pour mieux s'égarer dessus. Comment veux-tu que je sois gourmand? Regarde comme je suis taillé. Allez, c'est l'heure, je dois y aller, je suis attendu par le cahier.